Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette émission Associativement Vôtre, réalisée par l'association Ralentir pour Vivre. Ce soir, nous allons échanger sur un sujet tout à fait d'actualité, la liberté. Après une définition tirée de trois dictionnaires, le Littré, Flammarion et Larousse, nous allons l'aborder sous quatre facettes qui feront l'objet d'une table ronde avec à chaque fois trois intervenants. Nous allons parler donc de la liberté de penser, ensuite pour aborder la liberté de dire, et ensuite, bien sûr, la liberté d'agir, et nous terminerons par la liberté versus sécurité. Nous avons la joie d'accueillir également Jean-Claude Vorgy, chanteur-compositeur vosgien, qui ponctuera les débats de chansons. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne soirée en notre compagnie avec Jean-Claude Vorgy qui va nous interpréter dès maintenant sa première chanson qui est « Je te laisse présenter Jean-Claude ». Ma liberté de Georges Moustaki. Voilà, qui marquera bien le début du débat. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Merci Jean-Claude, une belle introduction. Effectivement. En premier lieu, définissons la liberté. La liberté, c'est le pouvoir d'agir et de choisir sans contrainte. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. La liberté, c'est également la condition de l'homme qui n'appartient à aucun maître. Donc nous allons commencer par un débat sur la liberté de penser. J'appelle Pierre, Pascal et Bernard. Alors, la liberté de penser, vous allez me dire, c'est large. D'accord. Pour essayer d'étayer un peu la question, je me suis muni de trois dictionnaires. Le Littré, Flammarion et le Larousse. Pourquoi pas ? Penser, c'est former dans son esprit, concevoir, imaginer. avoir telle ou telle opinion, réfléchir longuement à quelque chose. Quand on nous parle d'imaginer, que signifie imaginer ? Imaginer, c'est se représenter quelque chose dans l'esprit. C'est inventer quelque chose de nouveau. L'opinion, qu'est-ce que l'opinion ? C'est un avis, un jugement, une manière de penser sur un sujet. Et réfléchir, c'est examiner mûrement et composer ses pensées. Voilà donc une introduction à la liberté de penser. Je vous laisse maintenant la parole. Oui, alors moi, la liberté de penser, ça me fait penser à quelque chose qui est assez simple, puisque tout le monde possède cette faculté de penser, et sans a priori avoir de contraintes, puisque ça se passe dans le cerveau, et donc on est complètement libre de penser ce qu'on veut, apparemment. Et en deuxième idée, je me dis, oui, on est libre de penser, mais il faut quand même avoir quelques connaissances et quelques vocabulaires pour pouvoir aligner ses pensées et être vraiment libre. Parce que si on n'a pas cette connaissance et ce vocabulaire, c'est très difficile finalement à exercer cette liberté, j'ai l'impression. Voilà, je lance le débat sur ce point-là. Pour moi, il y a l'idée de penser par nous-mêmes. Après, c'est complexe, c'est pas forcément évident de penser par nous-mêmes. Pour penser par nous-mêmes, déjà, il faut se sentir autorisé, il faut avoir un vécu, comme tu le disais, Pierre. C'est aussi les expériences, je pense, qui font qu'on se fait notre propre idée sur les choses, quoi. Donc, moi, je sais que, puisque je suis enseignant, j'ai souvent abordé ce sujet avec mes étudiants j'ai souvent eu mes étudiants qui m'ont renvoyé le fait que je les laissais penser par eux-mêmes. Donc, ça, c'était un compliment. Je prenais ça pour un compliment. Ça veut dire qu'effectivement, on serait dans une société qui nous empêcherait de penser par nous-mêmes. C'est peut-être la société qu'il faut re-questionner, parce que moi je me dis que l'individu, l'être humain, a une propre capacité de penser par lui-même, mais il faut qu'il soit dans un environnement qui soit propice, quoi, en fait. Voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Bernard. Je pense qu'il y a une condition fondamentale pour penser. Avant de savoir si on pense libre, c'est quelles sont les données d'entrée sur notre pensée. Et on voit bien l'enjeu formidable, dans tous les sens du terme, qu'ont certains pouvoirs pour amoindrir la pensée des populations. J'ai bossé dans un pays où les intellectuels me disaient « on est en train de décérébrer la jeunesse ». Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec une jeunesse qu'on décérébre par le biais de l'éducation nationale ? C'est tous les enjeux de demain. Est-ce qu'on va continuer à enseigner la philosophie ? Ben non, ce sera les maths. Encore les maths, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais ce sera plutôt la physique, la chimie, etc. Tout ce qui est application industrielle. Donc l'enjeu fort pour moi, c'est de réussir à préserver les données d'entrée de la pensée. Et on voit bien que le captage des médias par les quelques formules, les quelques fortunes françaises ne vont pas dans le sens de la liberté de penser. Oui, alors déjà, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, donc je voudrais défendre aussi l'éducation nationale, dans le sens où l'éducation nationale, c'est un système qui a certainement des défauts, mais qui a aussi des qualités. C'est justement de pouvoir aménager un espace de discussion au sein d'une classe et de rendre la pensée libre par rapport aux élèves. On leur donne un sujet, on leur demande de dire ce qu'ils en pensent et de construire comme ça leur pensée. Donc voilà, c'était juste un petit... je dis ce que je pense sur l'éducation nationale. Après, je sais que tout le monde ne fait pas ça dans sa classe et la liberté de penser n'est pas exactement partout pareil au même endroit. Dans les différentes classes, pour les différents professeurs, instituteurs, etc. c'est le cadre qui est extrêmement rigide et qui certainement restreint beaucoup de liberté. Oui, alors je voudrais juste poser une question par rapport à la liberté de penser. On parle d'imaginer, d'opinion et de réflexion. Est-ce que maintenant, dans le système dans lequel, enfin dans la société dans laquelle on est, quelle est la place qui est donnée à l'imagination, à l'opinion et à la réflexion? Qui veut... Je veux bien rebondir. Effectivement, dans l'absolu, comme tu dis Pierre, l'institution devrait permettre une liberté de s'exprimer, de penser. Mais il me semble qu'il y a, une question de pouvoir. Et j'ai le sentiment que l'institution est souvent sous le joug d'une forme de pouvoir et qui fait que rendu les éducateurs, les enseignants, en tout cas, ça les a mis dans des postures de sachants. Et je trouve que ça, c'est dommageable. Voilà, donc, ce que j'ai envie de dire pour l'instant par rapport à ça. Moi, j'oublie pas que l'école obligatoire, c'est l'époque de Jules Ferry et c'est l'époque de l'expansion industrielle en France. Et on avait besoin de gens qui sachent lire pour exécuter les consignes. Et je pense que notre système d'éducation nationale, il est perverti dès le départ. Je citerai une anecdote pour blaguer un peu. Dans le pays dont je parlais tout à l'heure, je suis allé visiter des nomades qui étaient sous tente. Et puis j'étais avec un instituteur et qui a demandé aux nomades, qui ne parlaient pas arabe mais berbère, qui leur a demandé si les enfants allaient à l'école. Il a éclaté de rire et il a montré toutes les vallées qu'il y avait autour de lui. Voilà. Oui, par rapport à l'éducation nationale, Pierre, que tu disais effectivement qu'il y a une certaine mission de faire quelque chose, est-ce que ça ne dépendrait pas plutôt des personnes? Parce qu'on parle de global, mais en globalité, d'accord, mais par rapport à des personnes, donc toi, tu l'as peut-être vécu comme ça. Mais qu'est-ce que tu as vécu aussi par rapport à d'autres personnes autour de toi? Est-ce que l'éducation nationale laisse la place à l'imagination, à l'opinion, à la réflexion? Oui, moi j'ai travaillé dans le premier degré, donc c'est pas forcément pareil dans le second degré. On est avec les enfants en permanence, pendant 6 heures d'affilée dans la journée, et... on les voit vivre, on vit avec eux, on est avec eux dans les cours de récréation. Il y a des coopératives, il y a des conseils de coopératives. Enfin, on fait de l'art plastique, on libère leur imagination dans l'art plastique aussi. Enfin, j'ai l'impression que le premier degré, ce n'est pas le même monde que le second degré, où les profs peut-être sont plus cadrés dans leur discipline, qu'ils ont moins de vie... collective avec leurs élèves. Quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu comme si au deuxième degré, on les prépare déjà à la vie active, donc on les formate peut-être plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, c'est tout à fait ça. Il y a un cloisonnement en fait, des matières qui arrive au collège déjà. Et du coup, ça empêche d'appréhender tous les aspects à la fois de ce qu'est la vie, les activités avec la nature notamment et toutes les activités humaines, voilà, aussi bien l'artisanat, l'industrie aussi, hein, fait partie de ça. Et ça aussi, ça limite l'expérimentation, le vécu plutôt de tout ce qui est artistique. Ça me fait penser aux intelligences multiples. Il y en a une dizaine d'intelligences multiples. Dans l'institution, en tout cas, c'est vrai plutôt à partir du collège, on n'en travaille que 3 ou 4, quoi. Les mathématiques, le français... notamment, mais c'est regrettable. Du coup, il n'y a plus d'expression artistique, corporelle aussi suffisante, il me semble. Alors maintenant, vous avez parlé du cadre dans lequel les enfants sont. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce que développait chaque enfant? Est-ce qu'ils ont envie de développer de l'imagination, de l'opinion, de la réflexion? Je ne sais pas, et ça peut même être dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, Bernard, tu aurais quelque chose à dire à ce sujet par rapport aux enfants, mais même nos propres enfants, hein? Oui, pas spécialement. C'est plutôt les petits-enfants, parce que je pense que quand on est parent, on rate des choses. Et c'est plutôt quelque chose qu'on cultive avec les petits-enfants, en sachant ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas forcément fait. Vous voulez dire que ça. Mais je pense que les pédagogues, eux, seront... J'ai oublié la question. Le cadre des éducateurs, effectivement, bon, ben, c'est avec l'éducation nationale. Maintenant, on sort de l'éducation nationale et on rentre dans la capacité ou la demande ou l'envie des enfants d'avoir de l'imagination, une demande, de l'opinion et de la réflexion. Est-ce que les enfants sont en demande? Les enfants, plus ils sont jeunes, je dirais, moins ils sont cadrés par des normes, par des choses comme ça. Ce qui fait que, de manière innée, les enfants, ils ont de l'imagination, ils sont extrêmement curieux, jusqu'à 8 ans, 9 ans, on va dire. Puis après, il y a comme, oui, comme quelque chose qui se passe, comme... dans leur conscience, qui fait qu'il faut se normer par rapport à la société, par rapport à tout ce qu'on nous demande. Et là, l'imagination est un petit peu bridée, j'ai l'impression. Ouais. Là, on le voit dans les effets de mode. Par exemple, de l'adolescent qui s'habille comme on doit s'habiller. Il ne pense plus à rien, voilà. Il pense simplement, c'est comme ça, bon, ben voilà, je fais la même chose pour me normer par rapport à la classe d'adolescent à laquelle il appartient. Oui, donc leur liberté, puisque c'est le sujet... Oui. Ils sont libres d'avoir de l'imagination, mais la société, le milieu où ils sont, leur environnement font que finalement, ils s'auto-restreignent, ils ont une auto-contrainte pour rester un peu comme fait un peu tout le monde. Quoi. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. C'est la conclusion. Moi, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a comme un empêchement de l'épanouissement à partir de 10 ans lié au système tel qu'il est articulé, quoi, j'ai envie de dire. On ne peut pas imaginer qu'un enfant ou qu'un jeune adolescent puisse s'épanouir dans un milieu éducatif où il y a un cloisonnement de matière. Rien que si vous pensez à ça, vous imaginez bien les empêchements que ça occasionne, quoi. Donc à partir de là, il n'y a que la démarche de projet qui peut éventuellement faire sortir de ça, donc pour faire de l'interdisciplinarité. Donc voilà, je pense qu'il faut re-questionner cette chose-là. On arriverait à l'enseignement Montessori, quoi. Oui, puis même on peut parler de ce qui s'est passé pour Freinet. Freinet, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a identifié tout de suite que les adultes de son époque étaient des bénis oui-oui. Et du coup, il a essayé de faire vivre aux enfants les vraies activités de la vie, en fait, de son époque. Et du coup, on devrait revenir à ça, tout simplement. Il a fait rencontrer le forgeron, le menuisier du village. Il a fait écrire des textes aux enfants. Il a corrigé les textes des enfants avec tous les enfants présents. Puis voilà, puis c'est assez simple, en fait, hein. Il y a peut-être juste à remettre quelque chose comme ça en place. Voilà. J'ai une dernière petite question. On a parlé des enfants, de l'éducation, de la liberté de penser dans ce cadre-là. Maintenant, personnellement, comment vous vivez votre liberté de penser? Ah, là! Vas-y, Pierre. Alors, en tant qu'enseignant, puisque j'ai fait toute ma carrière dans l'éducation nationale, J'ai toujours ressenti cette contrainte du devoir de réserve. Du coup, je me suis auto-contraint à ne pas trop m'exprimer durant toute ma carrière. Et depuis que je suis retraité, je me sens beaucoup plus libre de parler sans contrainte, quoi, sans avoir l'avis de mon supérieur. D'accord. Alors que rien ne m'y empêchait. Hein. D'accord, mais là on parle de parler, ce qui sera le sujet souvent, mais de penser. Est-ce que tu as toujours gardé ta liberté de penser? Ah oui, oui. Voilà, ça c'est important. Oui, j'ai toujours. Oui, c'est vrai que c'est sur la pensée, oui. Effectivement, on est toujours libre de penser ce qu'on veut. Non, c'est ce que je disais, c'était ce qui est quand même le plus facile. C'est le plus facile d'exercer la liberté de penser. Oui, parce qu'on est tout seul avec soi-même. Se fustiger puis dire non, je ne devrais pas penser comme ça, c'est pas bien. Que penseraient les autres s'ils savaient que je pensais ça? Il y a aussi ça. Oui. Et toi, Bernard, ta liberté de penser ? C'est vrai qu'il y a une époque où on a essayé de criminaliser un peu la libre pensée. Hein, on parlait des libres penseurs. J'ai eu, à mon école, quand j'étais en terminale, pas mal de jeunes. Donc, je parle des années 70, la fin des années 60 plutôt, et qui ont fait de la prison pour ne pas vouloir faire leur service militaire, quoi. Et quand on disait libre penseur, ça voulait dire un peu anarchiste, marginal, etc. Hein, alors que c'est quand même magnifique de pouvoir penser librement. Et je rejoins ce que Pierre a dit. Moi, j'étais dans un boulot où j'avais une sacrée obligation de réserve. Et j'ai pu me libérer de tout ça parce que c'est une contrainte qu'on se met dans la tête soi-même. Hein. Alors oui, j'aurais dit il y a 10 ans que j'avais une liberté de pensée. Elle était méchamment entravée, justement par les données d'entrée qui parvenaient sur moi. Or, depuis ma retraite, donc ça fait 8 ans maintenant, j'ai des sources multiples d'informations. J'y consacre énormément de temps. Je ne sais pas si je pense bien et je m'en fous un peu, hein, mais j'arrive à d'abord à retrouver le développement d'un imaginaire que j'avais un peu perdu, je pense autour de la musique, etc. Hein, et puis à rassembler mes idées autour de tout ce qui converge vers moi. Oui, mais c'est dommage d'attendre l'âge de la retraite pour ça. Moi, j'ai le sentiment d'avoir, de m'être empêché de penser presque pendant toute ma carrière, sauf, on va dire, ces 10 dernières années. Et ça a été progressif où je me suis autorisé à penser par moi-même, à échanger aussi avec mes collègues sur ce que je pensais, qui était différent de ce qu'eux y pensaient. Donc, du coup, il y avait aussi quelque part un empêchement de ma part de pouvoir échanger avec mes collègues par rapport à ce que je pensais qui était différent de la norme, puisqu'effectivement, on constate que. Il y a la majorité qui pense la même chose. Et donc, quand vous pensez un peu différent, ben, vous n'osez pas parler de ce que vous pensez qui est différent. Donc, du coup, c'est une autorisation qu'on se donne à dire à notre pensée et à échanger là-dessus. Et ça, ce n'est pas facile dans notre institution, en l'occurrence, mais aussi dans notre société, quoi. Donc, il faut une certaine maturité pour arriver à s'autoriser à penser, si j'entends bien ce que vous m'avez dit, et un certain temps. Merci beaucoup, Bernard, Pascal et Pierre. Et puis, voilà, on vous remercie beaucoup. Évidemment, nous allons continuer avec une chanson, avec Jean-Claude Borgi. Voilà. Je ne connais pas le programme, donc nous allons le découvrir. Je n'aurai pas que des chansons sur le thème, hein, parce que voilà, bon, il faudra en connaître plus, mais j'en ai une là, bon, une gentille avec laquelle, pour laquelle vous pourrez chanter facilement, qui s'appelle « Il est libre, Max ». Ah, très belle chanson. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nage. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Et bien sûr, toutes les filles lui font des yeux de velours. Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyage à vous, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qui se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Claude. Cette chanson, elle date quand même d'un certain temps, ou les moins de 20 ans. Enfin bref, ça me rappelle ma jeunesse, ce qui n'était pas hier. C'est une chanson qui était dans les années 70. Ouais. Plus tard. 90. Ah non, 80. Je ne sais pas, je fais moyenne. Ah non, moi je dirais 75, allez. Oui, moi, 70-80. Ouais, 70-80. En tous les cas, c'était le résultat des années 68. Ah oui. On arrivait à s'exprimer à ce sujet. C'est une bonne entrée en matière parce que maintenant nous allons débattre sur la liberté de dire. Alors dire, qu'est-ce que veut dire dire? Parler en quelque sorte. C'est exprimer par la parole ou par l'écrit. C'est indiquer, signifier, voire révéler. Énoncer, faire entendre par la parole ou l'écrit. Donc, s'exprimer, c'est rendre par la parole, faire connaître, ça aussi. Dire, c'est vraiment aussi faire connaître, c'est un message, on transmet. C'est révéler, c'est dévoiler, rendre public, montrer, faire apparaître. C'est également énoncer, c'est rendre en termes nets toute communication faite par le sujet parlant. C'est-à-dire, c'est vraiment un outil de communication, de dire. Là, nous allons appeler Vincent, Jean-Claude, Pascal. Oui, c'est Pascal. Ouais. Encore moi. Voilà. Je vous laisse donc la parole, puisque maintenant nous avons la liberté de dire. Qui veut commencer? Moi, j'ai pris mon cahier parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Alors, je vais prendre des notes, la liberté d'écrire ce que je vais pouvoir dire, et peut-être que les autres me permettront de savoir ce que je veux dire. Voilà, allez-y. Non, pas trop, oui, pas trop près. Oui. C'est bon. Oui, non, c'est parce que je... Oui, parce que tu as une bonne voix. Oui, je sais, c'est parce que je votais en touche. Voilà. Je reviens sur cette idée de la liberté de dire. La liberté de dire, c'est en gros, pour moi, la liberté d'expression. Et... je la limiterai pas seulement à la parole ou à l'écrit, ça peut être aussi la peinture, la musique, la danse, toute forme d'expression qui nécessite, oui, une certaine liberté créatrice. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est notre société aujourd'hui... comment elle accepte. On a vu, je pense à ça d'un seul coup, le procès des caricatures de Charlie Hebdo, qui était quand même un grand moment où était jugée la liberté d'expression, justement. Voilà. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la liberté de dire, c'est que c'est aussi en prolongement une possibilité d'exister. Voilà, c'est, ça permet à l'individu d'exister au sein d'une, d'une société. Et, mais on parle de parler, de dire, de parler. Quand on, quand on s'exprime, il n'y a, a que, je crois que c'est 7% qui ce sont les mots qu'on retient. Tout le reste, c'est du non-verbal, en fait. Donc avec, je crois, quelque chose comme 30 ou 40% c'est la voix. Et puis le langage, tout le reste du langage corporel, pour plus de 50%. Ça montre... Ça montre à quel point, quand on décide de parler, c'est beaucoup plus que des mots, quoi. Voilà. Je veux dire. C'est exactement le non-verbal. Je ne reporterai pas le non-verbal que nous avons vu dans les yeux, mais qui était très effectivement, qui peut être une manière de s'exprimer. Alors moi, je dirais que le besoin de dire est tel que même quand on ne sait pas ce qu'on va dire, on a envie de dire. Donc c'est pour ça que je suis là. Ne sachant pas exactement ce que je vais dire, mais justement, essayant de trouver dans le flux des paroles et l'inspiration qui va me venir de je ne sais où, du soleil, là, de la lune, de mes amis, de tous, voir trouver le dire. Alors, le besoin de dire, il est fondamental. In principio erat verbum, au début le verbe, et le verbe s'est fait cher, bien sûr, et il nous est cher. Et puis, c'est un besoin fondamental d'exprimer, de sortir ce qu'on a en soi ou ce qu'on ressent de par tous les pores et par tous les arts, comme tu l'as dit, Jean-Claude. Voilà, ceci étant, voilà, je mettrai aussi d'autres paramètres. Ça, c'est la liberté de créer, aussi en même temps, la liberté de dire de la création, de la pure création. Et je dirais que toute parole est création. Elle va vers autrui et elle sort de soi pour faire... une poésie naturelle, je dirais, la poésie naturelle, c'est même le premier langage de l'humanité, comme le disait Herder, un poète allemand, tant et si bien que lorsqu'on fait de la poésie, eh bien, on retrouve, à mon avis, ou selon les poètes allemands, Herder, donc la langue primitive de l'humanité. Alors, où on va peut-être retrouver des vérités qui sont sémantiques en même temps. Je ne sais pas, bon, la poésie va nous dire le blond des blés dans le bleu du soleil. En fait, on aura trois fois la même racine verbale dans ces sons. Hein, bleu, blé, blé, le son BL, qui est un son primitif. Même soleil, qui est belle aussi, belle, belle, voilà, quatre fois. Donc voilà, je dirais, on est le besoin de dire, ça vient de je ne sais où, et ça va je ne sais où. Maintenant, après, il y a d'autres canalisations sur lequel on va peut-être réfléchir. Oui, parce que la réflexion, elle est effectivement, on a besoin de dire. Si je reprends ce que tu viens de dire, Vincent, c'est vrai. Maintenant, dans la liberté, où en est-on ? On va parler directement en 2023, dans la liberté de dire. On prendrait ne serait-ce qu'un exemple, on va dire un peu chewing-gum, hein. J'emploie exprès ça parce que Facebook, par exemple. Est-ce qu'on a encore la liberté de dire ? Pas vraiment. Si on dit quelque chose qui ne plaît pas, on est bloqué. Maintenant, est-ce qu'on a la liberté de dire, dans une circonstance X ou Y, de dire vraiment ce qu'on veut ? Est-ce qu'on peut encore dire ? Quelle est cette liberté actuelle en 2023 ? La censure, sous toutes ses formes, a toujours existé. Hein. Voilà. Donc, elle existe encore aujourd'hui. Quand tu parles de Facebook ou de choses comme ça, et puis elle existe au travers des différents mouvements qui traversent la société. Il y a des publications aujourd'hui qui, dans certains pays, sont interdites pour des causes religieuses, etc. La censure, elle existe de tout temps, en toutes circonstances, dans tous les pays, enfin, sous des formes différentes, quoi. Mais elle existe, cette censure. Donc la liberté, c'est une des limites, justement, de cette liberté, quoi. C'est la censure. Mais par rapport à ça, quand même, est-ce qu'on n'aurait pas un peu reculé ? Parce qu'on avait l'impression, quand même, dans les années, allez, on va dire, entre 70 et 80, d'avoir acquis une certaine liberté. Oui, tu sais, moi je pense à Brassens qui a eu certaines chansons qui ont été complètement censurées, qui ne passaient pas à la radio. Bon, Maurice Vian aussi, enfin, il y a plein de gens. Voilà, ça, il y a toujours eu, pour des prétextes différents, des censures différentes, quoi. Mais ça a toujours été. Je sais pas si on est plus censuré aujourd'hui. C'est curieux que tu parles de Facebook, parce que Facebook, ça se présente comme un espace de liberté, mais malgré tout, il y a des limites, quoi. Voilà, à pas franchir. Vincent, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Vas-y. Je suis d'accord. Non. Parce que tu as aussi peut-être plus de recul. Du recul. Non, mais moi, je dis, il y a plusieurs registres aussi. On parlait de l'enseignement aussi tout à l'heure. Et dans l'enseignement, j'étais enseignant, comme nous tous, enfin peut-être pas, Jean-Claude, non, pas Pascal. Et on ne peut pas dire tout à fait ce qu'on veut non plus, parce qu'on représente une certaine parole. On ne peut pas aller dans le détail de ce qu'on veut dire. Et parfois, il est mauvais de dire tout. Hein, voilà. Vas-y, Pascal, oui. Parce qu'à ce sujet, je pense que tu as beaucoup à dire. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Hein, donc, ça fait peur de dire. On sent qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Et pour rejoindre ce que disait Jean-Claude, c'est que la censure, c'est quand même un symptôme de notre société, en fait, de nos sociétés. Et il faut quand même le regarder. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ce qu'on a envie de dire, mais il ne s'agit pas de déclamer qu'on a raison. Moi, j'aime bien la petite phrase de Patrick Vivray, c'est est-ce qu'on pourrait au moins parler de la nature de nos désaccords? Mais ça, dans notre société, on ne peut pas. Hein, donc, je ne sais pas, moi, Brassens, sa chanson, il aurait peut-être pu avoir un débat sur ce qu'il disait dans sa chanson, et puis on aurait pu au moins parler de ça. Hein. Mais non, visiblement, ce n'est pas possible dans notre société. C'est vrai qu'on pourrait imaginer au XXIe siècle passé à au moins la possibilité de dire le désaccord. Ben oui. Au moins, de pouvoir dialoguer et d'échanger. Ben oui. Oui, mais je pense que ça existe. Enfin, moi, si je regarde mon enfance, ça existait déjà dans les cellules familiales. Je veux dire, on ne pouvait pas se permettre, en tant qu'enfant, de dire tout et n'importe quoi. Il y avait aussi un cadre très précis où il y avait des interdits, des choses. Donc, c'est là depuis longtemps. Enfin, voilà. Tu ne pouvais pas te permettre de dire certaines choses, soit dans un cadre de religieux, toujours pareil, ou dans un cadre bienséance, qui était comme ça, qui était obligatoire, etc. Quoi. Donc, effectivement, cette liberté de dire, elle n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Et, peut-être que de ce côté-là, on a un petit peu évolué quand même aujourd'hui. Quoi. On ne dit plus à un enfant, non, tu n'as pas à dire ça. Tu peux lui expliquer quel est le contenu et la portée des mots, et puis lui dire, ben voilà, il vaut mieux choisir de dire les choses de telle ou telle façon. Mais tu n'es pas obligé de lui interdire. Tu peux l'informer sur le contenu et la conséquence que peuvent avoir les mots. Voilà. Oui, parce que ça peut être en fonction du respect. Il est évident qu'on ne peut pas tout dire par rapport déjà à la notion de respect. C'est évident. Maintenant, dire est quand même très important, Vincent. Oui, moi je pense que si on regarde ce qui se passait, par exemple, dans des émissions il y a 20 ou 30 ans, comme celle de Polak, là, Droit de réponse, oui. Vraiment, c'était une certaine liberté. On a plutôt perdu dans ce sens-là. On est revenu en arrière par rapport à l'idéal de 68, les murs en la parole, qui était une explosion de l'imaginaire et de la liberté. On a l'impression, on est dans une époque plus étroite, plus moralisée aussi par certains côtés. Et puis en plus, double, les diverses libertés font que on peut s'auto-censurer aussi par rapport à des gens comme Desproges, par exemple, ou Coluche, n'avaient pas les mêmes... on a l'impression qu'ils étaient libres. On a l'impression, ils n'étaient peut-être pas si libres que ça, mais ils exprimaient des choses qu'on n'oserait plus dire pour ne pas blesser ou pour ne pas rentrer dans telle ou telle vexation inverse. Voilà, dire que c'est un peu plus compliqué. Alors voilà, moi, je pense que les choses se ramassent elles-mêmes, se roulent elles-mêmes. En même temps, je crois que le besoin de dire est tel et qu'il n'est jamais éteint, qu'il ressurgit chaque fois et que dans tous les pays, n'importe quelle dictature ailleurs qu'ici, parce que nous, on ne vit pas en dictature, nous, qui disent. Mais ceci étant, la liberté de dire ressurgit partout, peut-être par l'imaginaire, par toute forme d'expression, elle est tellement implicite, impérative, comme une pulsion de vie, qu'elle ne peut pas être tuée. Un exemple, mais ce ne serait peut-être pas un tout à fait bon exemple, parce que moi, je trouve que l'URSS avait des avantages, par exemple. J'étais du temps de l'URSS là-bas. Bon, il y a des choses qui étaient mieux avant, dans le temps même de l'URSS. Mais je pense que la liberté n'était pas la valeur fondamentale de l'URSS. Mais, maintenant, ça donne autre chose. Mais enfin, là, il n'y a rien qui, dans la nature humaine, ne peut être réprimé totalement. Elle est tellement forte que le dire, le verbe, l'emporte toujours. Alors, bon, je ne suis pas trop pessimiste, mais en même temps, on ne sait pas trop. On a lieu de se plaindre, parfois. Bon, par exemple, l'interdiction de siffler ou de casserole, par exemple. Mais, ça, mais en même temps, ça ressort autrement. Voilà. Ben, on n'ose peut-être pas autant. On est peut-être dans une période où on n'ose pas autant. Oui, mais pour reprendre ce désir de dire dont parlait Vincent, je pense aujourd'hui à l'émergence du slam. Ah oui. C'est quelque chose d'incroyable. Ce flot de mots voilà, qui est déversé, puis où il faut absolument le dire, et le dire de façon assez violente, etc. Quoi. Enfin, c'est très significatif aussi de ce besoin-là de dire les choses, quoi, et d'en dire un maximum dans un minimum de temps. Quoi. Ouais, comme Vincent, et grâce au slam aussi, je pense que rien ne peut être réprimé, effectivement. La parole ne pourra jamais être réprimée. Moi, je pense à la capacité naturelle qu'ont les enfants de s'exprimer. Donc, eux, ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais en fait, ce qu'ils ont de plus que nous, les adultes, c'est qu'ils n'ont pas peur de choquer. Parce que un enfant, il parle de façon naturelle de ce qu'il vit. Et du coup, il ne va pas se poser la question qu'un adulte en sera blessé, en fait. Il y va, quoi. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie cette capacité. Ça s'appelle l'assertivité, en fait. Donc, une capacité à s'exprimer, à défendre nos droits, sans avoir peur de blesser les autres, ou quelque part de dire d'une façon qui ne serait pas convenue. Ben non. On a des outils maintenant pour pouvoir parler. Complètement. Un certain respect, ouais, en disant les choses dans le fond, mais ouais, avec, je dirais, un côté de besoin de s'exprimer, mais pas automatiquement en blessant, parce qu'en blessant, on apprend à moins dire les choses de manière abrupte, on va dire, mais on les dit quand même. Ouais. Les dire quand même. Oui, donc, vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la liberté de dire, de vous exprimer? Oui, moi je j'ai pas le sentiment de l'avoir, mais je l'apprends, en fait. C'est ça, en fait. Il faut l'apprendre, notre liberté de dire. Voilà. Et du coup, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Il faut se revoir un peu comme un enfant, où on a à dire ce qu'on a à dire, sans se poser la question du risque de déplaire ou de blesser quelqu'un. Parce que si on apprend à être respectueux, ben, on peut y aller, quoi. On y va, on dit. Voilà, Jean-Claude, est-ce que tu as l'impression d'avoir la liberté de dire dans tes chansons, par exemple ? Oui, dans ce mode d'expression-là, mais voilà, j'essaie justement de partir un peu dans tous les sens, parce que voilà, j'ai pas l'impression, je me censure pas, quoi. Enfin, dans mes chansons, oui, je pense avoir complètement la liberté de dire, quoi. Alors, on va pouvoir, là, faire une petite aparté. Bientôt, le CD en boîte, des chansons et des nouvelles aussi, de Jean-Claude Vorgy. Voilà, que vous trouverez. Alors, que vous trouverez chez moi. Voilà. Donc, ouais, c'est un CD. Il y aura une douzaine de nouvelles chansons, voilà, et qui sera là, je pense, au mois de juin. Voilà, voilà. Ouais. Et il y a une adresse mail, peut-être pour. Ben, il y a mon adresse mail, oui. Donc, par exemple. jclvourgy@gmail.com. Voilà, merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu as l'impression d'avoir la liberté de dire ? Oh, quasiment, oui, oui, oui. Mais ça dépend où et comment. On ne pourrait pas dire les mêmes choses à Radio Gémozo, par exemple, qu'à France Inter, France Culture. Ce n'est pas tout à fait pareil. On est obligé de moduler suivant là où on est ou suivant les auditoires qui sont là, sur lesquels on module quand même cette liberté d'expression, selon les capacités, les possibilités d'écoute et effectivement de retour de bâton éventuel qui peuvent arriver quand même. Oui, ben on va remercier au passage Radio Gémozo et on vous remercie pour votre participation. On va passer à une liberté. Avant, on va passer par une chanson. Associativement autre. Non. Oui, associativement autre. Ou l'association Ralentir pour vivre. Ralentir pour vivre. Ah, d'ailleurs, c'est je ça. Dois. C'est, je vais, c'est ça que je cherchais. Voilà, je vais faire une aparté. Jean-Claude m'a apporté aujourd'hui, d'ailleurs, un petit jeu qui s'appelle Aujourd'hui. Ah, oui. C'est une invitation à ralentir de Joseline Marie. Le site c'est joseline-cultivatrice-de-joie.com. Un joli petit jeu où chaque jour on tire une carte avec une invitation à ralentir. Merci Jean-Claude. Un très joli jeu, des très jolies cartes avec des très jolis dessins. Aujourd'hui on fait des crêpes tous ensemble. Des dessins de Don Garcia, vous connaissez. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui je m'aime et je me le dis. Aujourd'hui, je vais marcher une heure dans la nature. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, les yeux pleins d'amour. C'est beau ça. Aujourd'hui, je prends le temps de lire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter Jean-Claude. Avec une autre chanson qui sera... Les gens courent. Ah, oh, magnifique. Partout et toujours, les gens courent. Serait-il en retard pour je ne sais quel départ? Où s'en vont-ils chercher un Eldorado caché, un trésor enfoui dans les vagues du temps? Aveugles et sourds à tout ce qui les entoure, ils ne prennent pas le temps de jouir du printemps, d'écouter les chansons venues des quatre saisons, de se sentir vivant au souffle du vent. Mais se poser, s'allonger sous le ciel, fermer les yeux, goûter le soleil, et s'oublier loin de l'effervescence, dans la douceur de l'existence. Le pas empressé, l'agenda saturé, les jeunes n'aient pas le temps, désolé, on m'attend. Tyrannie de la montre, qui tue les vraies rencontres, fatale allégeance au règne de l'urgence. Il y a dans l'ivresse de cette folle vitesse le signe, l'aurore d'une violence qui dort, un désir de puissance où l'ego mène la danse, tout faire vite est mieux en tutoyant les dieux. Mais se poser, s'allonger sous le ciel et s'abandonner à l'essentiel, en célébrant dans cette apesanteur les bienfaits de la lenteur. Partout et toujours, les gens courent, voudraient-ils de ce pas précipiter leur trépas, ou plutôt se duper de pouvoir en réchapper, en rejetant l'évidence du temps. Partout et toujours, les gens courent, partout et toujours, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent. Ah, bon. grand merci de ralentir pour vivre. Car c'est notre chanson fétiche. Hein. On l'aime beaucoup. Donc là, maintenant, on va parler de la liberté d'agir. La liberté d'agir, il va y avoir Bertrand, Bernard et Vincent. Voilà. La liberté d'agir. C'est un vaste sujet, tout ça. Alors, agir, c'est faire quelque chose. Jusque-là, ça va. Avoir une certaine conduite. Exercer une influence. Agir, ça veut dire aussi ça. Donc, d'en faire, c'est créer, former, construire, fabriquer, accomplir. Dans la conduite, c'est une manière de diriger, assumer la manœuvre de. J'ai d'ailleurs été étonnée que dans agir, il y ait tout ça, parce que je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Et dans influence, c'est une action qu'une personne exerce sur une autre. Alors, bon, c'est le dictionnaire qui l'a dit. Moi, je dirais l'influence, ça peut être aussi l'exemple. L'exemple est une influence. Voilà. Donc, agir, ça remplit un peu toutes ces définitions. Donc, voilà, je laisse démarrer le débat qui va démarrer par... Bertrand, qu'est-ce que tu en penses de la liberté d'agir ? Ben, on va rejoindre un petit peu ce que les précédents débats ont dit. C'est une liberté qu'il faut prendre nous-mêmes, en fait. La société ne nous encourage pas toujours à agir, mais... Et je rejoins un peu ce qui a été dit aussi, quand on sort du rôle social qui nous est attribué par le métier, par exemple, on a beaucoup plus de liberté et notre champ d'activité peut être beaucoup plus large et on se sent, moi personnellement je me sens plus libre depuis que je n'ai plus d'activité salariée, je dois dire. Bernard, que penses-tu, Vincent? Bonjour, Bernard, la liberté d'agir. Alors moi, toi, t'es quand même en plein dans le sujet. J'ai préparé un petit topo. Ah, merci. Alors, un peu historique, donc il va être hyper approximatif, parce que je vais enjamber des grandes périodes, et essayer de démontrer qu'il y a des moments où la liberté d'agir a été plus importante qu'à d'autres moments, et puis nous amener progressivement vers notre époque. Et je serai plutôt sur le plan versant professionnel, disons. Hein, d'accord. Donc si on prend le temps d'avant l'horloge, le temps de la nature, hein, d'accord, les communautés villageoises, c'est bien démontré par les travaux britanniques, travaillaient 4 heures par jour en moyenne. Mm-hmm. Et le reste du temps était consacré à soi, à la fête, etc. D'accord. L'horloge va venir un petit peu perturber tout ça, parce que notamment... La pré-industrie se développe, elle se développe à la campagne, dans les fermes. Et donc les gens, quand ils n'ont pas d'occupation, bah, ils font des objets, ils fabriquent, et on les paye à la pièce. Donc c'est un peu eux qui vont régler le curseur de leur liberté d'agir ou pas, en fonction des revenus qu'ils veulent en tirer, etc. Et puis progressivement, on va les faire quitter la campagne pour rentrer dans les usines, où là va se développer le salariat, et là où il faut des normes. Donc là, on perd totalement la liberté d'action. D'accord. Et il va y avoir une petite révolution qui est intéressante parce qu'elle vient des militaires. C'est l'armée de Valmy. L'armée de Valmy, c'est des volontaires. Ils sont tout jeunes. Les officiers, les généraux ont 25 ans. D'accord. Un général dans une armée classique européenne, ça avait 60 ans. Ça tenait à peine à cheval, d'ailleurs. Donc on va avoir une armée idéologisée, républicaine, hein, qui va affronter les cours d'Europe. Et pour ça, ils ont une liberté d'action incroyable sur le plan militaire. Aucune armée n'avait jamais eu ça. Je parle de notre époque, etc. Et ensuite, bien sûr, Napoléon Ier va bénéficier de cette armée idéologisée pour conquérir l'Europe, soumettre l'Europe, hein, et battre à plate couture les armées hyper rigides, hyper formatées, Frédéric II de Prusse, auquel vous vous souvenez, les militaires, aucun bouton de guêtre ne manquait, etc. Et donc, c'est l'armée qui va s'octroyer cette liberté d'agir. Une grande liberté est donnée aux officiers, aux hommes, etc. On ne leur dit plus exactement ce qu'il faut faire. On leur définit des objectifs et ils se démerdent pour aboutir. Et curieusement, la transition, c'est 1933 et le nazisme, qui va développer cette liberté d'agir au niveau de l'entreprise. C'est toutes les techniques liées au management aujourd'hui et elles vont être issues de l'armée allemande dont on va introduire les modes de gestion dans l'entreprise privée, publique et privée. D'accord. Et ce sont ces théoriciens-là qui vont monter les écoles de management aux États-Unis, en Allemagne, en France, sur les mêmes logiques. Mais on forme les gens à une liberté d'agir, mais au service d'une entreprise. Et à ce moment-là, l'idéologie ne peut plus fonctionner. D'accord. Donc on assiste aujourd'hui à la fin de cette période-là, où on a voulu, comme les gens ne peuvent pas avoir cette liberté d'agir, on a voulu formater leur travail. Et il est évident que l'informatisation a pu complètement normer les tâches. D'accord. Et moi, j'y vois une conséquence aujourd'hui de la désafférentation des gens au travail. Ils ne veulent plus travailler. On ne peut pas travailler idéologiquement pour la BNP, quoi. On peut le faire pour la patrie. Enfin, on n'y croit pas, c'est d'autres sujets. Alors, moi, j'ai relu à ce moment-là le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de Laboétie, et je pense que ça vaut le coup qu'on lise ou qu'on relise, hein, c'est quelle est notre part de responsabilité dans cette liberté de penser, d'agir, etc. Voilà. Et c'est un jeune homme à peine sorti de l'adolescence qui écrivait ça au XVIe siècle. Voilà un peu le... Moi, je vais juste faire une aparté par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la liberté d'action qui a été mise de l'armée au service managérial. Parce que, pour ma part, j'ai une expérience dans ce qu'on appelle le process. Le process, c'est arrivé dans les années 2000. C'est un gars qui s'appelle Al Armour, bon, qui a mis en route un process dans les entreprises qui a complètement tronqué cette espèce de liberté d'action dans les entreprises pour justement défendre l'entreprise comme on défendait la nation avant. Et qui a mis ce qu'on appelle le process avec on appelle ça des instruction sheets en anglais, c'est-à-dire des pages d'instruction. Ce qui fait qu'on peut actuellement, avec ce process qui a 23 ans de développement à peu près, on peut remplacer un employé du jour au lendemain parce que les tâches sont toutes répertoriées, y compris presser sur le bouton A, B, C, D, fermer la porte, ouvrir la porte, enfin tout a été défini pour que n'importe qui puisse prendre une place dans l'entreprise et que maintenant on est dans le règne qui fait qu'il y a un désinvestissement de la part des employés parce que c'est devenu... moi, je me souviens d'un témoignage d'une nana qui travaille dans une entreprise assez commune, hein, à l'accueil. Elle devait, à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, prendre le classeur. Alors, qu'est-ce que je dois répondre dans le cas, là, pom-pom. Elle lisait le truc, elle avait toutes les réponses aux questions, aux machins, aux trucs. Elle ne devait pas dire autre chose que ce qu'on lui avait préparé, des classeurs entiers. Et donc, à l'heure actuelle, ça fonctionne comme ça, parce que même dans l'éducation ou ailleurs, ou même dans tout ce qu'on veut, dans tous les secteurs, il y a ce qu'on appelle une procédure. En français, on appelle ça une procédure. Et un cahier des charges. Bon, voilà. Alors, on suit le cahier des charges, on suit la procédure. Il n'y a plus aucune liberté d'agir. Et là, je pense qu'effectivement, au point de vue professionnel, on arrive dans l'ère où la liberté d'agir, elle est morte. Les robots vont arranger tout ça. Oui, les robots vont arranger tout ça. On va les fiscaliser et on va payer des impôts sur les robots. D'où tout ce qui est certification, audit, etc. Ouais, etc. Et malheureusement, ces techniques managériales, il faut les appeler par leur nom, elles ont envahi l'administration de l'éducation nationale et l'hôpital. Donc, mais c'est aussi une volonté de détruire cette fonction publique en la normant et en dégoûtant les personnes qui y travaillent. Il n'y a plus d'initiative, il n'y a que de l'application, de l'obéissance. Il n'y a plus de liberté d'agir. Ah oui. Clairement. Vincent. Sur le sujet, je dirais que le besoin d'agir comme le besoin de dire, il est impérieux, il est fondamental en soi. Bon, l'existentialisme, par exemple, exprime ça. C'est agir ou être un légume. Moi, je vois, moi qui suis à la retraite depuis déjà un certain temps, si je n'agissais pas, je serais un légume. Donc, je suis obligé d'agir. J'ai envie d'agir. Continuer. Quelle est la liberté ? Comment ? Où en est ta liberté à toi ? Alors là, c'est un déterminisme qui est peut-être où je ne suis pas si libre que ça par rapport à mon destin. Alors là, tu poses un problème en termes de destin. Je pense que je ne suis pas tout à fait libre de ce que je suis. Alors, c'est autre chose. Alors, peut-être que, selon le bouddhisme, j'ai choisi une incarnation d'agité comme je suis. Bon, mais bref, ceci étant, non, mais tu poses un problème en amont. Liberté, alors, d'être ce que... Non, je deviens ce que tu es, a dit Nietzsche. Oui, mais comme disait Spinoza, où est le libre arbitre ? Arbitre... Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre ? Ça, alors là, tu poses une question en amont, de l'amont. Bon, mais bon, là, c'est, je joker. Enfin, pas joker, mais autre débat que tu n'as pas prévu, d'ailleurs. Tu viens de l'introduire. Donc, on n'avait pas prévu ça. Est-ce que le besoin, au fond, est-ce qu'on est libre, au fond, en soi? Est-ce qu'on est déterminé? La prédestination, etc. Mais ça, c'est vaste. Et c'est vrai que ça mériterait un autre débat. Nous le traiterons dans une émission ultérieure. Bon, mais donc, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Pascal. Ça ouvre des champs. Et moi, ça me fait penser à plusieurs niveaux. Le niveau, effectivement, du village, de la tradition, bon, le 23 avril. Mais il y avait des impératifs, les saisons. Et en même temps, les fêtes, la joie, mais le rythme très séculier, très, très lent, enfin, qu'on peut supposer dans le temps. Le 23 avril, on ne va plus dans les prés. Là, il y a des limites donc, qui sont dues à la nature même. Je pense à autre chose, dans un roman de Ramu, qui exprime Ramu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Giono, en fait, il était antérieur à Giono. Suisse, qui dit la grande peur dans la montagne a sa volonté à elle, donc il y a une espèce de... Alors là aussi, il y a une fatalité, et ce n'est pas tout à fait la liberté des gens, mais ils étaient inclus dans un rythme saisonnier, où peut-être d'autres peuples vivent encore, on peut supposer, ou espérer, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres peuples qui vivent dans ce rythme naturel, mais qui lui-même a des impératifs, voilà. Il y a les limites du corps, le sommeil. Moi, je voudrais. On a besoin de dormir. On a besoin. On vieillit, peut-être. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà. Et c'est des impératifs. C'est des limites à la liberté. Il y a aussi les limites sociales, bien sûr. Alors là, c'est quand on veut agir associativement, je ne vous dis pas, les multiplications d'actions ou de démarches à faire, on a l'impression quand même de rentrer dans un Kafka souvent administratif. Voilà, voilà. Bon, ça c'est quelque chose qui paraît limité, tout en étant dans un monde multiplié, où justement, on a tellement de multiplication de possibilités informatiques, etc., et de communication, qu'il surgit aussi, là aussi, cette espèce de diable, de lourdeur de tout qui essaie de vous empêcher et qui fait de nous des gullivers, non pas limités par les lilliputiens, mais par l'administration, par tout ce qu'on veut, par le social. Voilà. Alors après, voilà ce que je pense, c'est que pour échapper à tout ça, est-ce qu'on aura, on est un peu comme Sisyphe qui pousse son rocher, et peut-être que, est-ce qu'il existera avec la médecine quantique qu'on a évoquée hors micro, ou bien par je ne sais quoi, l'homme augmenté, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que quelque chose fera que, comme Lucie dans Lucie, dans le film Lucie, où on dit qu'on vit aussi, et là, la limite, à 10% de notre cerveau, alors on suppose que quelqu'un va atteindre les 100%, je ne sais pas si c'est possible, souhaitable, mais en tout cas, peut-être qu'on saura plus que ce qu'on est, et qu'on sera plus libre, justement, peut-être. Mais le libre arbitre, en tout cas, la liberté d'agir, moi, j'aimerais qu'on prenne quand même comme sujet... Des sujets qui sont quand même d'actualité. Alors, je ne sais pas qui veut rebondir, mais par exemple, est-ce que j'ai le droit, moi je vais poser clairement la question, hein, tant pis, ça ne plaira pas, est-ce que j'ai le droit d'aller à la manifestation du 1er mai avec une casserole? Ah, bonne idée, ça, oui. Bertrand, est-ce que j'ai le droit? Non, moi je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le droit, c'est à nous de le prendre, de toute façon. On peut nous restreindre si on veut, mais quand on prend des initiatives et qu'on s'autorise à agir, on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher, la dynamique qu'on peut entraîner autour de nous. Et dans cette salle, on voit qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont eu des responsabilités associatives ou qui ont mis des choses en place. Personne ne sait, au démarrage, on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher, en fait, le succès que ça peut donner et comment ça peut rebondir. Et l'influence qu'on peut avoir. J'aurais voulu faire un lien entre liberté d'agir et violence. Alors, je sais bien qu'il y a le chapitre sécurité qui arrive après. C'est vrai qu'il est très convenu, dans l'époque actuelle, que dès qu'un homme politique arrive, cette discussion qu'on a eue avec Pierre à Relanges, dès qu'un homme politique arrive sur un plateau, est-ce que vous condamnez les violences des manifestants ? Donc, tant qu'on n'a pas condamné les violences des manifestants, on ne peut pas s'exprimer sur un plateau. Hein. Et dans la liberté d'agir, pour moi, il y a aussi la liberté de la violence de l'action, que, à titre personnel, je ne pratique pas. J'en suis incapable, je suis trop vieux, j'ai peur. D'accord ? Mais par définition, par éthique, je soutiens les gens qui manifestent avec violence. Oui, ben je comprends. Quelque part, c'est quand même aussi la possibilité de dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelqu'un dans Non, mais c'était juste pour répondre à ta question, purement et durement. Je veux dire, t'as dit, est-ce qu'on a le droit de venir avec la casserole dans une manifestation ? Ben, fréquemment, légalement, tu peux pas, mais légitimement, tu dois. Ah voilà, d'accord, c'est ce qu'a dit Bertrand, donc effectivement. Parce que, oui. Avec tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, est-ce qu'on a encore la liberté d'agir ? Alors, c'est une question, parce qu'effectivement, défiler en silence, ça ne dérange personne. Est-ce qu'on a encore ce droit, cette liberté, Vincent ? Enfin, ça, oui, on a le droit. Mais après, on voit toujours les limites aussi, qui sont dues à la nervosité plus ou moins grande du gouvernement, du préfet, du jour, on verra demain, pour ceux qui sont demain, à 11h. Et donc, place des Vosges, non pas place des Vosges, devant la préfecture, paraît-il, à vérifier. Mais ça sera après l'émission, mais enfin. Donc, oui, ben, il faut y aller. Et puis, ça, suivant la réponse, mais on a des limites qui sont parfois odorifères. Parce que la liberté d'agir, c'est pas rien que je reprendrai ce qu'a dit Bertrand, et je trouve très juste ce que tu dis. C'est une obligation, quelque part, ne serait-ce que pour nos enfants. Est-ce qu'on n'a pas un devoir à ce niveau-là d'agir ? Certainement. Pour sortir un peu du contexte des manifestations et tout ça, on a une responsabilité d'agir pour construire du positif, pour justement pour nous et pour notre descendance, ouais, ça me paraît évident. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il ne faut peut-être pas se focaliser sur tout ce qu'on veut nous empêcher de faire. Et voir aussi, explorer notre liberté qui est quand même réelle. On a un champ de possibilités très important qu'on n'exploite pas toujours. Donc on a une liberté d'agir qui, quelquefois, on la laisse sur le bord du trottoir, si j'entends bien ce que tu dis. Voilà, je pense qu'on peut... Oui. On peut en profiter plus et justement interroger cette liberté. Oui, c'est une bonne interrogation, effectivement, d'exploiter, plutôt que de regarder le côté sombre, d'exploiter le côté positif de tout ce qu'on peut faire. Mais Bernard, par rapport à toi, est-ce que tu te sens la liberté d'agir par rapport à ce que tu fais, par exemple, dans le cadre de... Moi, je me sens dans l'obligation d'avoir la liberté d'agir. Agir me plaît pas forcément, mais je me sens obligé de le faire. Pas forcément pour moi directement, mais c'est ma responsabilité de génération. Hein? Donc je fais plein de choses qui me plaisent pas, mais je dois les faire. Oui, mais c'est intéressant parce que quand tu parlais tout à l'heure des gens qui travaillaient que 4 heures par jour, mais ils faisaient ce qu'ils devaient faire. C'est une obligation pour nourrir, pour combler les besoins primaires. Donc, ils obéissaient à cette obligation. Maintenant qu'on n'a plus une obligation pour les besoins primaires, parce que, quelque part, il est passé d'un rayon de supermarché à un caddie, du caddie à la voiture, ça c'est simple, on va dire ça comme ça. On a d'autres obligations qui sont effectivement élémentaires. Ouais. Vincent. Oui, bah. Oh non, c'est pas une vraie conclusion. Je pense que on est très entravé. Et ce qui nous oblige. Non, c'est pas. On est obligé d'avoir la liberté d'agir. Voilà. Voilà, c'est à la fois une obligation et une liberté fondamentale. Oui. Sinon, on est mort, on est légumes. Voilà. C'est ça. Ben, merci beaucoup à vous trois. Jean-Claude. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes maintenant ? Est-ce qu'une chanson qui s'appelle C'est pour tout ça, c'est pour tout, enfin, c'est le raccourci, c'est pour tout ça que je chante, mais c'est pour tout ça, c'est le, ce sera le titre de mon CD. Ah, voilà. Très bien, c'est pour tout ça. Bien. C'est pour faire danser les mots dans les nuages, entre le silence et l'orage. En joli idée, le vent de crochet, de soupir, et m'envoler, m'échapper, partir. Oublier qui je suis, l'univers où je vis, et pouvoir ouvrir enfin mes ailes. Les amarres rompues et le poteau suspendu, savourer un instant l'éternel. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour dire le soleil quand l'absurdité plombe jusqu'au vol de la colombe, et me retrouver loin du tumulte ordinaire dans l'océan de l'imaginaire. S'offrir un voyage sans nul autre bagage que la fortune d'être vivant, et vouer tout son être à sans cesse renaître au gré des caprices du vent. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour le plaisir de se sentir transporté dans un souffle de liberté, s'abandonner au bonheur de voyager dans tous les frissons partagés. La fièvre fraternelle, le bain universel, la musique comme une fusion, le sensible qui passe en inondant l'espace d'une pluie de mots et d'émotions. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour le printemps qui réveille les fleurs et nous refait l'âme et le cœur, escorté d'un ramage à nul autre pareil, des mélodies tombées du ciel. Pour la vie qui s'efforce sous la peau, sous l'écorce, à jaillir comme une source aux fontaines, face à l'avenir inconnu, buvons-la sans retenue avant que le néant nous surprenne. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est aussi pour crier quand l'humanité sombre, abandonnant la proie pour l'ombre, au mépris du vivant, glorifiant le pouvoir, délaissant l'être pour l'avoir. Et si ce n'est qu'un cri, c'est ma part colibri, une goutte presque imperceptible, ne dit rien d'une ondée qui pourra féconder d'autres fruits au jardin des possibles. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante. C'est pour tout ça, c'est pour tout ça, pour tout ça que je chante, pour tout ça que je chante, pour tout ça que je chante, que je chante, que je chante. Merci Jean-Claude. Alors là, on va entamer le dernier sujet. Mais avant d'entamer ce dernier sujet, il s'appelle La liberté versus sécurité. On va faire venir Mireille qui va nous lire un texte. Je dirai en peu de mots combien la liberté est douce. Un loup d'une maigreur excessive rencontra un chien gros et replet. Après un salut, ils s'arrêtèrent. « D'où vient, dit le loup, que ton poil est si brillant? Où te nourris-tu pour avoir un si bel embonpoint? Moi qui suis bien plus fort, je meurs de faim. » « Ce bonheur sera le tien, répondit le chien avec franchise, si tu peux rendre au maître les mêmes services que moi. Ben, « Quels sont-ils ? » ?»« Garder la porte, et la nuit défendre la maison contre les voleurs. »« Oh, mais voilà tout prêt, car maintenant j'ai à souffrir la neige, la pluie, et je traîne au fond des bois une vie misérable, qu'il me sera plus facile de vivre à l'abri sous un toit et de trouver un bon dîner sans me donner de mal. »« Viens donc avec moi. » Chemin faisant, le loup voit le cou du chien pelé par l'effet de la chaîne. « Qu'est-ce cela, ami ?»« Rien. »« Dis-le-moi, je te prie. » »« Comme on me trouve vif, on m'attache pendant le jour, pour que je dorme quand luit le soleil, et que je puisse veiller dès que vient la nuit. Le soir, on monte ma chaîne et je cours où je veux. » On m'apporte du pain, mon maître me donne des os de sa table, les valets me jettent quelques bons morceaux et me laissent leur soupe dont ils ne se soucient guère. Ainsi, sans travailler, je me remplis le ventre. Mais dis-moi si tu veux sortir, le peux-tu ? Pas tout à fait. Jouis donc, mon ami, des douceurs que tu me vantes. Quant à moi, je ne changerai pas ma liberté contre une couronne. Merci. Ce texte est du fabuliste Phèdre, qui a vécu 14 ans avant Jésus-Christ et qui est mort 50 ans après Jésus-Christ. Il était donc grec à la base, esclave. Il est arrivé en zone latine et il a été délivré de son esclavage et donc il s'était mis à écrire. Et il a repris d'un poète Ésope qui était de 564 ans avant Jésus-Christ, qui était lui aussi grec. Et La Fontaine a repris ce texte pour en faire Le loup et le chien. Voilà. Donc c'est un texte qui laisse à réfléchir sur la liberté versus sécurité. Donc, celui qui sacrifie sa liberté à la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin, voilà ce qu'il disait. Et donc la sécurité, c'est une situation où l'on n'a aucun danger à craindre. Une confiance, une tranquillité d'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas de danger. Et le danger, c'est une situation où l'on a à redouter un inconvénient, un mal quelconque. La crainte, c'est le sentiment de peur. Et la confiance, c'est un sentiment d'assurance, se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Donc nous allons appeler Fred, Mickey et Jean-Luc pour discuter de ce sujet. Jean-Luc ? Non, Jean-Claude. Excusez-moi pour le lapsus. Fred, Mickey et Jean-Claude, voilà. Pour discuter de ce sujet, la liberté versus sécurité. Voilà, qui voudrait commencer ? Peut-être Fred. Ouais. Non, Jean-Claude. Non, Mickey. Non. Sécurité. Alors, que pensez-vous de la liberté versus sécurité ? Parce que certaines personnes se sentent plus libres quand elles sont en sécurité. C'est quelque chose qui est reconnu comme étant un fait. Certaines personnes aiment la sécurité parce qu'elles se sentent libres. Oui, vas-y Fred. Ben, comme le dit si bien la fable, en fait c'est une prison dorée, quoi. Et ce sentiment d'être libre, c'est d'être dans le confort, donc d'être bien. Mais en fait c'est une fausse liberté. Mais pour moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de juxtaposer liberté et sécurité, justement, parce que ce sont deux notions qu'on ne peut pas atteindre, je veux dire, sauf dans le virtuel, l'imaginaire, ou dans la pensée. Mais dans le réel, le concret, déjà, pour tout ce qui est nécessaire, on n'est pas libre. On l'accepte déjà sans y réfléchir depuis tout petit, qu'on soit obligé de manger, respirer, boire. Et on n'est pas libre par rapport à ça. Et ça, on l'accepte. Là où ça devient plus délicat, c'est quand on une notion de c'est au niveau du choix, c'est quand on nous prive de choix, et là ça devient un peu plus douloureux, plus dur à supporter, quoi. Et je voyais donc le nécessaire, ça va, mais là on est dans un monde où on est envahi par un tsunami d'utile qui nous inonde, et là la confusion vient entre le nécessaire et l'utile. Et pour moi, le nécessaire, c'est manger. L'utile, c'est les couverts. Donc, on n'a pas forcément besoin de ça pour manger. Et où on est inondé d'objets, de plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Et on nous les vend comme une forme de liberté, alors que c'est des béquilles. Et là, on en vient à la sécurité aussi. En fait, c'est une dépendance. Oui. Parce qu'après, on ne peut plus se passer de cette sécurité. En fait, ça démarre par ce que tu as dit au départ. C'est dans l'imaginaire. Ça se passe dans l'imaginaire. C'est toutes ces choses inutiles qu'on nous fait croire utiles qui nous apportent un sens de sécurité, de les voir, de savoir qu'on peut les avoir. Ça donne un espèce de sentiment de sécurité, de confort. On est d'accord. Mickey, qu'est-ce que tu penses de cette question versus sécurité, qu'est-ce que tu en penses de la liberté? Est-ce qu'elle a ce prix? En fait, moi, je vois ça à partir de l'individu, de sa sécurité intérieure qui dépend de la souffrance qu'elle va avoir. Si, par exemple, elle ose trop faire quelque chose, par exemple, ça peut réactiver des peurs d'abandon, des peurs de trahison, des peurs de manque. Et donc, cette sécurité intérieure, c'est nous-mêmes qui nous faisons au fil du temps de notre construction, qui nous faisons notre propre prison, entre guillemets, pour ne pas avoir à réouvrir toutes ces plaies, toutes ces souffrances qui sont insupportables. Voilà, donc on préfère rester dans notre prison intérieure que de vivre ce qu'on pourrait dire une forme de liberté, notre expression véritable. Voilà, donc, et moi, quand j'écoute tous les témoignages de Bernard, de Vincent, enfin, toutes les personnes qui ont parlé avant moi, je me dis, mais ouais, mais toutes ces personnes-là, elles ont réussi à dépasser toutes ces peurs personnelles. Parce que au-delà, il y a comme une mission. Enfin, déjà parce qu'ils ont suffisamment vécu pour réparer leur, pour aller mieux et pour penser leurs blessures. Mais aussi parce que au-delà de ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une mission supérieure, quoi. Enfin, ça va au-delà d'eux. Et ils pensent aux générations futures. Ils pensent, ils sont eux-mêmes témoignages et eux-mêmes portent vers pour permettre aux autres une plus grande liberté. Parce voilà. que la liberté a un prix. Oui, effectivement, Jean-Claude. Oui, ben, pour reprendre ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la sécurité, c'est quoi? C'est quelque chose qui répond à la peur. C'est parce qu'on a peur qu'on a besoin de sécurité. Et cette peur, elle peut venir de plein de choses. Je pense à tout ce qu'on a à vivre aujourd'hui de façon matérielle ou financière. C'est souvent des espèces de barrières de sécurité qu'on a, auxquelles on est presque contraint. C'est vrai que tu as une assurance pour ta bagnole, etc. C'est une sécurité qui répond à la peur de perdre quelque chose, quoi. Est-ce qu'un, je ne sais pas si je peux parler comme ça, est-ce qu'un excès de liberté, autant que ça existe, je ne sais pas, fait tomber cette sécurité ou je ne vois pas. Mais il y a tous ces objets, toutes ces barrières de sécurité sont des entraves, c'est sûr, à la liberté, c'est sûr. C'est à un moment donné, ça nous limite dans notre possibilité, dans notre champ d'action, quoi. Voilà. Puis là, on se pose quand même, enfin moi j'ai envie de poser la question, toutes ces assurances, y compris les retraites, hein, on va rentrer là-dedans aussi, moi, l'âge que j'ai, je dirais, il y a 55 ans en arrière, parce que j'avais 5 ans, j'avais déjà une idée un peu, entre 5 et 10 ans, il y a 50 ans en arrière, il y avait beaucoup de gens autour de nous qui n'avaient pas de retraite, qui n'avaient aucune assurance, qui n'avaient rien. Il se passait qu'il y avait de la solidarité, que ce soit dans les villages, dans les familles, les gens vivaient, j'allais dire, presque aussi bien que maintenant. Et que maintenant, on est arrivé dans où on a poussé, c'est le consumérisme, on a poussé à vendre des sécurités, parce qu'on vend la sécurité. On enlève la liberté d'être, mais on vend la sécurité. Et qu'on en arrive à un tel point qu'elle est devenue tellement chère que beaucoup ne pourront plus l'offrir, y compris les retraites d'ailleurs. Voilà. Il y a un moment donné où tout ça va être retiré, parce que c'était un projet bien grandiose, mais je dirais un peu poussé un peu trop loin. Donc cette sécurité-là, à l'heure actuelle, elle est devenue incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter quelque chose sans qu'on vous dise, mais prenez une assurance dessus pour au cas où. Oui. C'est la possession qui oblige à la sécurité. C'est le fait de posséder et la peur de perdre voilà, qui fait que... Oui. J'ai rien contre le mot sécurité. Quoi. En fait, ce qui serait plus intéressant, c'est pas de se poser la question de la sécurité, si c'est bien ou pas bien, c'est de se poser quelle sécurité et la sécurité de qui. Parce que si c'est la sécurité de quelques-uns au détriment des autres, moi je suis pas trop chaud pour ça. Quoi. Et j'ai vu à Sainte-Soline, parce qu'on a parlé des personnes pendant une journée d'un conflit avec des blessés et tout le bastringue, mais il y avait quand même 5 jours de débat très constructif et qui, ça, on en a fait, mais un reset, personne n'en a parlé. Et là, c'était intéressant, c'est un mot que j'ai trouvé magnifique, c'est la sécurité sociale de l'alimentaire. J'en reviens tout à l'heure par rapport quand j'étais dans la liberté. Et après, j'ai pas trop parlé de la sécurité. Mais là, si on s'attaque à la sécurité de ce qui est essentiel, moi, ça me gêne pas. C'est après, quand dans l'utile, on revient aux marchands, qu'on mette de la sécurité dans l'utile. Mais ça, moi, ça m'étouffe. J'en veux pas. Quoi. Ouais. C'est là que ça devient déviant. Ouais. Et au détriment, justement, pour piétiner... la sécurité de l'essentiel, quoi. C'est ça qui est dangereux. Oui, et puis bon, la sécurité, effectivement, elle peut être prise sous différentes facettes, mais savoir quelle est la liberté qu'on peut s'octroyer sans être étouffé par la sécurité. Ben ouais, c'est si on, pour moi, si on s'occupe que de l'essentiel. Oui, et pas l'utilitaire, tout ça, le matériel, qu'il y ait des personnes qui soient dans des favelas avec des belles maisons, avec des grands murs, et qui sont eux-mêmes, en fait, emprisonnés dans une prison de prison, parce qu'ils ont peur qu'on les vole. Je trouve ça grotesque et puis dangereux. Quoi. C'est le savetier financier. C'est la fable du savetier et du financier de La Fontaine. Là. Ah, on aurait pu la sortir, celle-là aussi. Parce qu'à un moment donné, on lui propose des trucs et puis à partir du moment où il possède un peu, il ne dort plus parce qu'il ne fait que penser à ce qui peut y arriver, à ce qu'il possède. Ouais. Voilà. Et donc, il dit non, c'est bon, j'abandonne, je préfère... Et si, dans l'absolu, si... Ben, disons que moi, je me donne la liberté de pas trop écouter ce qui se passe, qui est raconté par les médias. Donc, du coup, ça m'impacte pas beaucoup, l'ambiance qu'on pourrait trouver sécuritaire. Voilà, j'ai pris la liberté de travailler moins au niveau de mon salariat pour avoir justement plus de temps pour moi. Ceci dit, j'ai parfois des contraintes internes qui font que, par exemple, j'adore peindre, mais j'ai des résistances. Alors ça, c'est mes propres résistances qu'il faut que je lève parce que j'ai une envie qui pousse, mais il y a une résistance qui fait que j'arrive pas à créer. Je trouve pas la liberté de créer comme j'en aurais envie. Voilà. Ah, c'est un très bon futur sujet, ça, la liberté de créer. Oui. Donc, voilà, actuellement, ce que je peux dire. Voilà, Jean-Claude, comment tu trouves la liberté versus sécurité pour toi personnellement ? Ben, dans mon intérieur, je me sens suffisamment en sécurité pour être libre et suffisamment libre pour être en sécurité. Voilà. Très belle réponse. Très belle réponse, c'est toi, Fred. Je suis assez proche de la réponse de Jean-Claude. Aussi sur ce qu'il disait avant, parce qu'ils ont tous débordé sur les sujets des uns et des autres, avec le droit de penser, le droit de donc on peut se le permettre, non? Et c'est vrai que le droit de penser, pour moi, c'est... Comment... Si une personne vit dans un cube, son droit de penser sera à la taille du cube. Quoi. Et donc, ce sont les échanges qui, plus que la culture, hein, parce qu'on peut être dans une grande école et enfermé dans un schéma de pensée qui est vraiment restrictif. Quoi. Donc, c'est plus les échanges qui permettent le droit de penser. Et donc, le droit de dire... permet ces échanges. Parce que pour sortir d'une boîte crânienne à l'autre, ben on n'a rien de trouvé de mieux que les mots ou de les écrire. Quoi. Et ça permet de tous les échanges, ce qu'on fait, là, discuter entre nous, ça agrandit notre liberté de penser. Quoi. Et tout est lié, hein, de toute façon. Et après, agir, ça vient à la suite. Quoi. Pour moi, il faut ressentir, réfléchir, agir, dormir. Et dans la liberté d'agir, c'est effectivement la liberté de créer aussi, comme disait Mickey. Voilà. Donc on est effectivement, on regroupe tous ces sujets. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va peut-être... entendre notre chanteur Jean-Claude et ensuite nous allons avoir notre journaliste Filmo qui va nous faire la chronique de la soirée. Ça va pas être triste, je vous préviens. Accrochez-vous tous, posez vos ceintures. Oui, et Jean-Claude et puis Vincent Descombis terminera avec un texte après. Ah bon, c'est oui. Ah bon, bah alors écoute, tu peux faire avant Filmo. On termine Vincent. Bah oui. On laisse. Voilà, Jean-Claude. Elle est de ma vie, la compagne fidèle. et je ne pourrai jamais me passer d'elle. C'est mon refuge, ma boue et mon île, ma respiration tranquille. Elle a tant de cordes à son arc-en-ciel qu'elle sait mettre en accord avec le soleil, aussi bien la mélancolie que le temps qui passe pour les amoureux qui s'enlacent. Elle est l'âme des mélodies, le miroir des gouttes de pluie, le frisson d'une aile égratignant le ciel où chantent les vents du paradis. Le frisson d'une aile égratignant le ciel où chantent les vents du paradis. Comme on entend la mer dans un coquillage, son ventre résonne de mille voyages, de tant et tant de lieux où toujours vent debout, elle en oublissait mes rendez-vous. Sous le grand ciel bleu ou dans la déprime, elle met le grappin sur la moindre de mes rimes, pour lui donner une couleur imprévisible, aussi sensée que sensible. J'aime quand sa partition titille mon inspiration, quand les mots, les notes s'entremêlent et tricotent la douce étoffe d'une chanson. Quand les mots, les notes s'entremêlent et tricotent la douce étoffe d'une chanson. Durant les feux de camp de sa prime jeunesse, quand j'étais croquenote qui draguait les princesses, elle gémissait sous mes doigts malhabiles, et peu importait le style. Il en a fallu des années de labeur pour que nous conversions avec plus de bonheur. Et si je n'ai pas su honorer toutes ses vertus, tout n'est pas perdu. Tant qu'elle sera à portée de mes mains, nous suivrons le même chemin, le chemin d'où s'envolent toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. Le chemin d'où s'envolent toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. De ma vie, la compagne fidèle, et je ne pourrai jamais me passer d'elle. Là, nous allons appeler Philo, parce que là, je trouve que c'est hyper important. Là, il prend ses dernières notes, je le vois concentré sur sa copie. Ça va pas. Un dernier point d'exclamation, elle me voit. Un dernier point d'exclamation, et le voilà. Je vous prie d'applaudir Philo pour sa chronique. Que de découvertes. J'ai eu plaisir à méditer en direct. On a tous révisé des intentions, des sonorités, des allusions, des découvertes. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer là en quelques demi-heures. J'ai beaucoup aimé. Alors, je me suis permis un petit poème en hommage à la liberté. Alors, voilà ce que ça donne. Dame Liberté, vous êtes la bienvenue. Pas pour de rime, pour d'espoir, la route coule, son bitume sous les rodes, l'escalier trempe son étage, mathématiques certains. preuve à la pluie de rencontres. C'est l'unité dans sa tête comme une mousse au nombre de bulles s'estompe. Divinement d'avoir répandu dans l'air le souvenir faisant. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Hein. Et puis, alors voilà le résumé. Alors le résumé, on pourrait en parler hein, longtemps. Il n'y a même pas à résumer. C'est une ouverture d'esprit sur des conversations qui vont durer pendant des années. Mais si je résume, je vais essayer d'être rapide. Hein. Donc on a aujourd'hui élucidé la pensée de dire, d'agir, la sécurité in versus, comment dis-tu versus sécurité. Liberté versus sécurité. Alors ma liberté de Georges Moustaki, c'est comme ça que ça a commencé. C'est beau, c'est vrai, c'est souriant. Il part en ski, Jean-Claude, mais en ski d'eau. En ski d'eau au sol et champ, mais c'est pas si facile. En fait, on peut tout faire sans altérer la vie de l'autre. C'est un peu ça, la liberté. On a le droit de tout faire tant qu'on dérange personne. Mais pour la liberté individuelle, c'est Jean Jaurès qui avait bien répondu à la question au début 20e, en disant qu'il y avait la liberté individuelle dans la propriété, dans le travail, dans la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on pourrait parler de ce qu'on est devenu, de la liberté de penser, disions-nous. C'était la connaissance et le vocabulaire pour Pierre, c'était la pensée par soi-même pour Pascal, c'était de penser à demain pour Bernard, c'était de varier les plaisirs pour construire sa pensée, et l'expansion industrielle de Jules Ferry est de répondre aux besoins. Mais la différence entre le premier degré et les différents degrés de l'éducation, j'ai cru comprendre que malheureusement c'était un formatage qui venait précédemment d'un conformisme et qui allait s'étendre peut-être vers d'autres choses plus dramatiques encore. Mais l'enfant curieux et spontané canalise la norme vers 7-8 ans, qui va changer d'état vers la pluralité ensuite, un peu comme un conditionnement. Mais la liberté de penser, c'est comme un carton rouge à ce moment-là. La maturité pour s'autoriser à penser. Jean-Claude revient, il est libre max, ça nous divertit, on est bien, on est vrai. On vole dans nos rêves d'enfant. Vous savez, quand on rêve de long vol, c'est un rêve de liberté. Et alors attention, ça décolle. Au collectif, alors j'ai écrit Airbus, Boeing, mettons Douglas au pied. C'est le Douglas, c'est l'avion qu'on a réservé aux États-Unis en cas de pagaille. Les Américains ont des avions de réserve pour aller voir ailleurs. Comme ça, ils sont malins, oui. C'est un peu leur esprit de liberté. Ils ont des Douglas. Alors, liberté de dire par la parole ou par l'écrit, souvenir de Charlie Hebdo, ça m'émeut, j'avais beaucoup d'amis là-bas, le son primitif dans la pensée, la consonance pour Vincent, dans la poésie. Jean-Claude revient, le revoilà toujours, dans une douceur de l'existence, un rythme profusion de l'instance, Jean court. Mais maintenant, c'est la liberté d'agir. Alors, pour Bernard, avant l'horloge, c'était très intéressant parce qu'on travaillait 4 heures. C'était très intéressant parce que le temps passé ailleurs, c'était la fête. Dans les châteaux au Moyen-Âge, il y avait 100 jours de fête. Tout était propice à la fête. Une naissance, un mariage, un baptême, un anniversaire. Et puis la guerre. Les militaires, le militantisme, j'ai pas tout compris, devient liberté, mais c'est l'esprit militaire, en fait, qui, lié à l'esprit d'équipe, emmène les hommes vers la guerre. Mais la conquête des territoires et des richesses, c'est fait, c'est classé. Toutes les terres sont réparties, toutes les richesses sont réparties. À nous de partager maintenant. Alors, chez Socrate, par exemple, j'écrivais que face à l'empereur, Socrate était face à l'empereur pour établir les libertés de l'individu au sein du peuple. Confucius avait une technique infaillible, il laissait sa porte ouverte. Vous pouviez toujours aller visiter M. Confucius, mais il avait un secret d'eux, c'est qu'il n'avait qu'une chaise. Vous restiez debout. Voilà. Le peuple est roi dans ma république quand chacun a un rôle. La valeur travail, la valeur capitale, dont la surprise d'une valeur bien-être. Alors la loi du changement naturel, le néolibéralisme aujourd'hui plus ou moins répandu, pour moi c'est le préambule vers des satisfactions nouvelles mais qui manquent de l'enregistrement des besoins pour tous. Parce qu'on répond à des besoins collectifs, mais on ne répond pas aux besoins de vous qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin. Est-ce que tu aimes les chaussettes vertes ? Oui, peut-être d'autres apprécieraient plus des bleus. Alors vous voyez, c'est chacun ses besoins. Eh bien, tu auras des chaussettes vertes et tout le monde aura des chaussettes vertes. Tu vois le système actuel, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, Ipsos cherche du boulot. Vous voyez ce que je veux dire ? La pensée collective vers l'inspiration, je l'ai appelée gourmande. Parce que moi, pour moi, la pensée qui est aujourd'hui présente, combien nous sommes ? 4, 8, 10, 11, 12, quel bon chiffre ! Eh bien, reflète une pensée collective qui m'a permis d'écrire ce que j'écris là. C'est-à-dire que j'ai ma pensée personnelle, mais comme elle est collective aujourd'hui, hop, moi ça m'inspire plus. Donc j'écris que la pensée collective, elle va vers l'inspiration gourmande. Bon, ça vous me direz ce que vous en pensez par la suite. J'ai beaucoup aimé qu'on me dise que la censure vers l'interdit systématique canalise le peuple sous forme de peur. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous interdisez systématiquement, eh ben, c'est pour négocier avec le peuple et le soumettre en somme. Ça ne me va pas du tout, ça ne nous va pas du tout. Donc mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi, n'en oubliez pas, je ne suis pas de ceux-là. Et exprimer la nature du désaccord, là je suis d'accord. Là. On ne peut tout dire dû au respect, je suis d'accord. L'imaginaire inconscient collectif souverain vers le chemin émotionnant. C'est-à-dire que l'inconscient collectif, je ne sais pas si vous connaissez, nous permet, dans l'imaginaire, d'être plus ou moins stable. Et si certains du plus grand nombre vont aller vers l'équilibre, ils emmèneront la totalité. Pour l'instant, on n'a pas encore vécu. Parce que certains sont malheureusement un peu tristes, trop tristes, ou trop arrière-passants. Enfin, on en reparlera. Voilà, il n'y a pas de révolution ratée. Hein, on va dire ça, Vincent. J'espère que ça va te plaire. Parce que le changement est toujours à venir. Une micro-révolution, c'est déjà un micro-changement qui peut amener des réalisations non loin de l'infortune. La liberté de propriété, de travail et d'expression, c'est la maison de Jaurès et de Potcher. Donc le peuple est roi. Eh oui, le peuple est roi, et le roi est bouffon, ne l'oublions pas. Et si le bouffon est roi, entrez là, entrez là. Et bien-être est roi, famille des lois, imaginaire confondu, tous dans nos états. Et je ne changerai pas ma liberté contre une couronne. Merci qui m'a dit ça, madame. Qui m'a dit ça ? Oui, votre texte. Je ne changerai pas ma liberté contre une couronne. L'animal qui dit ça à la fin. J'ai trouvé que ça planchait bien vers la situation. Et puis, versus sécurité, Benjamin Franklin, que j'adore. J'adore Benjamin Franklin parce qu'il a fait tout le boulot au début d'aller vers la population, de comprendre les besoins et d'écouter les libertés. Et ensuite, il est arrivé au pouvoir. C'est pas quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui va vers le peuple. C'est l'inverse. Donc j'adore ce monsieur. Et je me rappelle qu'il disait une chose intéressante. Il disait, monsieur Benjamin Franklin, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est un bon début, mais je sais qu'il y a encore bien des choses à apprendre. Alors j'adore ça, moi, apprendre, aller de l'avant. Et puis c'est que, je ne sais rien, entre sécurité essentielle et recherche, entre sécurité essentielle et recherche probante de l'équilibre. Eh bien, moi j'ai noté Libelta de Scapé, j'ai noté Spinoza pour le peuple, j'ai noté Paolo Coelho pour l'alchimiste, parce que n'oubliez pas que dans l'alchimiste, il part d'Espagne vers l'Afrique, il ne sait pas où il va, mais il y va. Donc première liberté, c'est d'avoir le culot d'y aller. Et Rabelais dans Le changement chez les évangélistes révolutionne son époque aussi, et j'en ajoute que le sourire encore pour sa longévité, c'est ma liste. C'est-à-dire que si vous souriez, les Américains ont remarqué que du fait de sourire, on améliore sa longévité. Et puis pour terminer, j'ai la référence qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui dit que l'oiseau et la moto grisaient nos secrets, plancher vers l'incognito. Une petite explication là. Oui, l'oiseau est liberté. Ah, la moto, c'est liberté. Ah oui. Griser, c'est la moto. Oui. Elle grise la vitesse. D'accord. Dans nos secrets, tout secret libéré de griser. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et plancher vers l'incognito, oui. Ben, comme tout ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui nous intéresse, et tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on ne sait pas, et comme on sait bien des choses, mais qu'on ne sait pas tout, c'est bien d'aller découvrir. Oui, c'est un peu l'alchimiste, quoi. C'est voilà, c'est aller, un peu l'alchimiste, aller, voilà. C'est un peu la liberté qu'on a d'aller découvrir. C'est oser prendre la liberté de... Et vivre le changement. Et vivre le changement. Et puis, pour terminer, c'est Jean-Claude qui nous le dit. C'est Fred qui nous le dit, c'est Vincent qui nous le dit, c'est Bernard qui nous le dit, c'est Pierre qui nous le dit, et vous, et vous, et vous, et vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter Vincent, qui a un texte pour nous, et ce texte... C'est la liberté. C'est la liberté. En pensant, un sujet de plus m'est venu, mais ça serait un autre débat. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, si on n'agit pas, on est des légumes. Mais tout d'un coup, je m'aperçois que je fais la offense, peut-être, aux végétariens. Alors, j'aurais dû dire saucisse, mais ça ne va pas. Et là, je fais offense à ceux qui mangent de la viande. Ça me fait penser à un autre sujet qui pourrait être un autre sujet de toi. C'est que c'est un peu le wokisme actuel qui veut qu'on réécrive... Des ouvrages du passé pour ne pas offenser tel ou tel dit petit nègre, voilà. Ça me pose vraiment des problèmes, ça. Je sais pas, ça m'interroge beaucoup, parce que c'est aussi une liberté de pensée qu'on n'a plus pour respecter d'autres libertés, et c'est une complexité, d'où le légume, qui ça me fait penser à, je m'excuse pour le légume, donc, mais j'ai rien trouvé d'autre. Je ne sais pas, un cadavre, oui, mais encore un cadavre, c'est faire offense aux morts. On verra, je ne sais pas. Hop. La liberté est une épaule qui porte drapeau en paria. Elle est la femme, elle rigole sur les tableaux de Delacroix. Elle est le destin en rigole, et elle est le sang, elle est la croix, elle est la voix, voix de la voix. La liberté vaste des rivages immensités de bleu de mer. Le sang qui traverse les âges est à la fois froid et amer. Répercutés à l'infini, nous avons de celle du monde la révolte qui nous frémit, l'or infini qui bonde, et répété, qui crie, écrit. Les échos de l'éternité sont truffés de la liberté, intense rivière qui coule, exubérance de lumière, immense danse, ivre, fière. Partout, levée est la clameur, la silhouette en cinglance. Elle est le cœur de l'espérance et on meurt si souvent pour elle. Mais c'est elle qui porte vie, elle attise les cœurs rebelles, leur met l'amour à mort en tête. Et si elle est de résilience, celle c'est que vive fusée vibrance, elle est l'inaltérable ardeur. Homme libre, toujours tu sais. rira la mère, la mère. Rira donc bien, rira donc qui ? Et le dernier rira à la lisière d'existence, parole, étole, libre, est, déesse, va dans le vent qui la caresse. Activé, rouge, noir, dans l'espace, déploie beauté, extase, que le destin prométhéendra. Elle va, va, va, gradiva, celle qui marche, le destin se meut par elle, habitée, et flamme-t-elle la prière de l'Athénin. Athénée, belle flèche, éclate cingle, toute brèche, à l'infini, étoile, nez, pulsion, espace, ouvert, ailé, elle est au fond de sa poitrine, femme, flamme, onde divine, arrache les cœurs à jamais. Oui, je t'aime, la belle libre, dont le seul nom bas nous fait vivre, soleil infini, finitisé, par la parole ample, folle, qui nous envole, les guiboles, la ferveur fièvre, dionysiaque, fée d'un ailleurs qui n'a de cesse, liberté, estelle, princesse, républicaine, révoltée. La mort ne nous sera comptée que comme épisode provisoire, illusion décapée, puisque du flux de liberté coule toujours la sève vive. Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle Camène, le printemps immortel scandé, botticellienne, liberté, toi l'amoureuse diluvienne, celle des feux entrecroisés, de l'humaine union libre, qui parole inouïe, verbe, sans arrêt exacerbé, de vie fuse le ciel en flamme. Et la liberté est une casserole qui casse les rôles, pas drôle, et qui casse houille, mine de merdouille, empaffée d'Élysée, élu du trou du nul, qui nous botte le cul à coups de ses décrets. Tintamarre, rigodole et gondole, les rires du peuple qui, toujours s'étrit, mal appris mais pas pris. Boostée, vivace, la liberté à flot, qu'on boit, fontaine de vin léger. Églou, églou, églou, églou, églou, églou, églou. Elle est la nôtre, la liberté frémit mimi dedans nous autres. Et nous autres, bons apôtres, sans culotte ou avec culotte, tripaillons de Dieu, de séditieux, le nez aux cieux, la tête en jeu, soleil feste, lumière aux yeux. Azur, azur, ah, ah, ah. Arriva di d'Amorosa, la liberté est une épaule qui se gondole, qui s'étole, et la barcarolle et farandole. Elle nous dit en italien, Amorosa, langue de vin, que par le premier des matins, ce fut le don premier qui vit, qui vint, le don, ce fut le don premier qui vint à la conscience des humains pour y poser l'influx divin ou la matina. Una mattina, oh bella ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una mattina, oh bella ciao, ciao. Il partigiano morto pour la libertà. Je fais confiance à mon intuition et j'ai bien raison. Merci pour ce final qui était splendide. Bonsoir. Merci Vincent. C'est la liberté qui est splendide. C'est pas qui bon. Nous a fait tous, enfin vous je ne sais pas, mais qui m'a mis la chair de poule. Oh, je sais pas. Ah oui, parce que une chanson, il faut savoir quand même l'historique de cette chanson. Ah oui. L'historique est important. Ah ben l'historique, vous le savez, c'est un son de paysans, de femmes. De femmes, oui. De femmes qui se sont révoltées, oui. Et qui en allant travailler avaient créer une chanson où elles expliquent qu'elles se révoltent. Elles continuent à travailler en chantant. Et je trouve ça magnifique parce qu'il y avait une voix, une force dans cette chanson qui était vraiment... Elle criait la liberté, il n'y avait pas droit, mais elle la criait. Et je trouve ça splendide. Je vous remercie toutes et tous de votre participation. et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui. Je vous remercie tous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Et nous vous disons à bientôt pour un Associativement Vôtre, dont l'enregistrement aura lieu le 24 juin, qui aura lieu avec l'apéro de la transition, ici à Les Voivres. À bientôt. Merci à Auriel, notre pianiste belge, qui nous a fait ce splendide jingle. À tout bientôt. Merci.